Et aujourd'hui, on va clore la trilogie du Tisseur de Sam Raimi. Et comme sa trilogie Evil Dead, le troisième volet dérape. Précédemment, Raimi a mis en place les arcs du New Goblin, du Lézard et du Rhino. Mais cette fois, on a le droit au New Goblin, ok? L'Homme Sable et Venom. Et autant l'arc d'Harry Osborn est plutôt bien traité, même si c'est assez léger comparé aux méchants précédents, mais l'Homme Sable est à peine survolé après la superbe scène de sa création, et Venom est carrément expédié et traité négligemment. Quant à Spider-Man, eh bien, il n'est pas la fête non plus. Son rôle auprès de ses proches est moins important, il devient totalement égocentré, voire carrément imbitable. Au summum de son égocentrisme, nous sommes même gratifiés d'une séquence plutôt gênante que mon fils a résumée en « Il se sent plus pété Spider-Man, il est bête ». Tout n'est pas acheté néanmoins. Le film est bien rythmé et les affrontements initial et final sont d'une énergie folle où Sam Raimi s'amuse comme un gosse avec ses jouets. Cet épisode est un peu comme un gros banana split avec supplément anchois et cheddar, une superbe base gâchée par un surplus d'ingrédients.